commençais à me demander si je le touchais vraiment ou si j'étais simplement pour lui un laboratoire dans lequel il puisait pour travailler. Il voulait que je devienne la donnée connue dans le mystère de son équation. Moi aussi, j'ai commencé à avoir des appétits scientifiques. Je me suis mise à composer des hypothèses. Si j'avais la jambe coupée, comme Catherine Deneuve dans Tristana, est-ce qu'il m'aimerait autant que Fernando Rey a aimé? Et si je perdais la virtuosité du contrôle des muscles de mon visage et toutes les techniques que j'avais acquises dans les cafés, est-ce qu'il me trouverait tout aussi séduisante? Et si je lui disais que je ne l'aimais plus et qu'il me dégoûtait? Est-ce qu'il saurait que c'est un mensonge et que de toute façon, à sa façon, il me ment aussi? Mes hypothèses n'avaient pas de solution facile. Et, comme dit Cocteau, puisque toutes ces choses nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Je me suis donc penchée sur les outils essentiels de mon répertoire. Comment chuchoter une promesse, défaire une menace et jurer sur le moment. Love stepped out a moment ago, didn't see when he'd return, wanted to take in a walk. Love within the blink of an eye said he forgot how to cry, didn't really want to talk. Moment of truth, a